dossier, ma fusillée. C'est un beau bourdier, dans la Méduse. J'me le game d'accord, ouais, j'suis d'accord. Elle bouge encore, elle me dit j'en veux encore. C'est nous les vrais, c'est nous les forts. Poutons vite, envoie-nous le coffre fort. Tellement de frères, un mandat dépôt. Des bons métal, une patate.